Le comité préparatoire biélorusse pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung est constitué le 18 courant à Minsk. Il a décidé de présenter largement la vie révolutionnaire sacrée et les exploits immortels du président Kim Il-sung par les masses médias et d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles telles que rassemblements commémoratifs.